21h55 à la pendule de Radio Béton, on vient d'entrer à pieds joints dans l'aspect française avec un nouvel extrait de ce nouvel et excellent album d'Otargos. Et on va de nouveau retrouver Thibaut pour le focus suivant, focus du coup dans l'aspect française. Ouais, ouais, effectivement il est bien cet album, hein. Passe un bon moment dessus. Ouais, aspect française et on reste dans le sud de la France, on va voir du côté de Toulouse. Pour un groupe qui, alors je sais, n'est pas forcément la came de tout le monde sur cette radio, du doom du groupe s'appelle Indigo Raven, qui sort leur premier album, qui s'appelle Looking for Transcendence. C'est un tout jeune groupe qui s'est formé en 2019. Donc là, ils signent leur premier album sur le label Argonauta. L'album a été précédé d'un EP en 2020. Comment décrire l'EP ? Moi, je le trouve beaucoup moins solide que l'album qui a été proposé, peut-être un peu plus mystique, avec une ambiance, les ambiances sont assez chouettes quand même, mais c'est vraiment porté par une ambiance assez envoûtante et globalement il est quand même beaucoup moins travaillé, c'est vraiment un premier EP. Le groupe est donc porté par la chanteuse du groupe qui s'appelle Julie Docteur. Elle est aussi créatrice de la pochette. Alors je saurais pas dire, la pochette elle est ultra psychédélique et un peu énigmatique à mon sens. J'arrive pas à dire si je l'aime ou si je l'aime pas, tu vois, la pochette de l'album. Ouais, alors c'est ça, c'est difficile de savoir si c'est une photo qui est hyper travaillée ou si c'est une peinture, un dessin. Ouais. C'est vrai qu'il y a une touche, quoi qu'il en soit, mystique, dérangée et dérangeante dans l'esthétique visuelle. Ouais, j'ai fouillé un peu, elle a l'air d'être vachement axée dans ce délire-là au niveau de. Elle fait du dessin et tout ça. Et ça a l'air d'être un truc qu'elle aime bien reproduire, ce côté un petit peu torturé et tout. Mais voilà, la pochette, je suis dubitatif devant, tu vois. J'arrive pas trop à me prononcer. Toujours est-il qu'au niveau de la musique de l'album, c'est pas, encore une fois, c'est pas fondamentalement un coup de cœur absolu, parce qu'il est largement perfectible, cet album. Mais en fait, c'est le contexte dans lequel je l'ai écouté qui a fait que j'ai accroché. J'étais en train de bosser, en train d'écouter les différents groupes et j'ai mis l'album et je me suis rendu compte que je suis arrivé à la fin de l'album comme ça. Je l'ai vraiment écouté d'une traite sans vraiment m'en rendre compte et au final ça fonctionne super bien et je trouve que le chant on écoutera après, mais la chanteuse elle porte vraiment le truc avec ce côté ultra mystique et ultra comment dire envoûtant vraiment dans ce qu'elle propose. Musique, donc on a du doom, on a des espèces de relents qui viennent du sludge un petit peu, c'est assez moderne dans leur approche. Je me rappelle, je sais que toi c'est vraiment pas ta cam au niveau du doom. Absolument pas. C'est pas la frange du doom qui va te parler. Oui, mais là c'est pas le doom qui m'accroche, pas du tout. Alors, en revanche, oui, tout ce qui est analyse technique et musicale, ça je peux complètement m'y prêter. Mais après, non, je vais pas avoir un avis positif parce qu'effectivement, dans son ensemble, c'est pas du tout ce qui m'excite. Ouais. Mais voilà, après. Forcément c'est le premier album, j'ai pas énormément de choses à en dire, mais je l'ai trouvé juste ni révolutionnaire ni prétentieux dans ce qu'il propose. Juste tu l'écoutes, c'est réussi et puis ça t'entraîne quoi. Voilà. Eh ben on s'écoute oui, on peut s'écouter un morceau, on est au bon niveau du timing et puis après on va parler très rapidement du line-up et puis on reviendra sur la partie un peu plus analytique du titre. Morceau que tu as choisi du coup, Small Hurt and Blind. Ça va donner un bon aperçu du truc et je trouve que là particulièrement sur ce morceau-là, le chant est mis en valeur et du coup comme c'est ce qui m'a le plus parlé dans l'album, j'ai choisi ce morceau-là pour ce soir. Eh bien, c'est parti. Titre d'illustration du focus sur Indigo Raven. On se retrouve dans 7 minutes. enchaîne du coup avec la deuxième partie du focus sur le groupe toulousain Indigo Raven. Ouais, bah voilà, bah moi, comme je te disais, hein, c'est vraiment un truc que je me suis retrouvé à écouter en fond pendant que je bossais. Et bah clairement, ça passait super bien à ce moment-là. Je pense que ce sera pas un album qui fera date dans ma discographie, clairement, mais c'est bien foutu et puis ça méritait, je trouve, d'être mis en avant quand même. Qu'est-ce qu'on a regardé? Ouais, on a regardé vite fait le line-up. Là, c'est vrai que j'avais pas noté le truc, mais du coup, on retrouve le troisième membre de l'équipe. Qui est le bassiste, qui a rejoint l'équipage en 2020 et qui est en fait le bassiste de l'excellent groupe Mourir. Également formation toulousaine, exactement. Ouais. Qui avait mis quand même une sacrée branlée quand ils avaient sorti leur première galette. Là, qu'on avait diffusé et que tu avais focusé, si ma mémoire est bonne, à l'époque. Donc voilà pour Indigo Raven. Donc effectivement, comment dire, tout l'intérêt du groupe pour moi réside dans ces nappes vocales à la fois envoûtantes, à la fois occultes et donc incantatoires qui sont bien dispensées, mais c'est vrai que bien personnellement je trouve que ça traîne méchamment en longueur musicalement parlant, et je pense qu'effectivement tout l'intérêt c'est ce côté répétitif et hypnotique porté par la voix de la chanteuse. Ouais, bah clairement, bah t'as tout résumé et moi c'est ce qui m'a touché. Après je sais que bah voilà, quand t'es pas trop sensible à ce style là au bout de 5 minutes tu lèves les yeux au ciel et tu fais ouais, c'est bon, merci, ça sort. Mais ouais, moi j'ai trouvé mon compte, tu vois, ça a été un bon moment à passer, puis je l'ai réécouté plusieurs fois dans la semaine sans problème. Voilà, et ben voilà, le focus de ce soir est clôturé, mais tu vas rester à l'antenne parce que la doublette suivante on va également parler de sensibilité. Ouais, on va parler de sensibilité, ouais, bien sûr. Voilà, une doublette avec une doublette dans la doublette, puisque nous aurons tout d'abord les Franciliens de Cavalerie, le groupe de Crusty Hardcore Black qui nous sort un excellent EP une fois de plus, 8 Remains. Donc les titres sont ultra courts, expéditifs et bien torchés. Une sortie cette fois sur le label Deliverance Records. Et l'évolution qu'on peut noter, c'est mettre légèrement de côté cette musicalité black punk. Ouais, bah Dark Throne qui est un peu mis au placard, on va dire. Dans voilà, pour faire rentrer un peu plus de crusty 10 bits blackisante et avec un peu plus de code hardcore. Et par contre, le chant qui cette fois est juste complètement possédé et hurlé. C'est n'importe quoi. Enfin, j'ai écouté l'EP et tu sais, t'écoutes l'EP et puis tu fais ajouter à la discographie, ajouter. En fait, je me suis rendu compte que, comme l'EP précédent, prends l'EP et puis tu le mets dans ta discographie parce que tous les morceaux sont incroyables. C'est exactement ça. Donc voilà, Cavalerie, un groupe qui vient d'émerger et qu'il va falloir suivre de très très près. La pochette, la violence de la pochette. Ouais. Bah, la pochette, on dirait. C'est un vieux montage très très moche. Et pourtant, elle est ultra, ultra, ultra cool, quoi. Enfin, ouais, non, carrément. Je la porterai pas en t-shirt, mais elle est vraiment chouette. D'ailleurs, je crois que les expéditions vinyle devraient pas tarder à être faites. Parce que c'était complètement un achat compulsif. Hein. Il y a eu une offre vinyle, je dis d'accord, j'achète. Et en doublette avec Cavalry, Scumbags, la formation Tourangelle, qui vient de sortir son nouvel EP The Purge. Une autoprod, comme dit, déjà dispo. On s'écoutera le titre Insidious Cerebral Disease. Et juste avant ça, une doublette Cavalry avec le titre Paris by Knife et Monument at Offenhead. J'adore ces petits jeux de mots, je suis très friand. Oh! Blood, blood, continue dans l'aspect française avec Inherits the Void. On est sur du black avant-gardois atmosphérique qui nous vient de Clermont-Ferrand. Monolith of Light, c'est le nom de ce premier effort studio, une pochette ultra soignée. Si on faisait un focus là-dessus, je pense qu'il y aurait beaucoup à dire parce que l'artwork est assez superbe. Une sortie sans surprise sur le label Avant-Garde Music. On s'écoutera le titre de l'album Monolith of Light. Et dans la foulée, Mineral Reflectance, probablement un focus dans les semaines à venir. Mineral Reflectance, là comme ça, ça ne vous parle probablement pas. Le groupe s'est formé en 2020. Ils sortent là leur... il sort d'ailleurs là son premier effort studio longue durée, des chemins de vie. C'est quoi le concept autour de Mineral Reflectance? Donc déjà, c'est l'ancien bassiste de Akphasia. Rappelez-vous cette formation orléanaise de metal extrême. Ça ratissait super large, c'était même metal expérimental. En fait, le bassiste Stéphane voilà, a monté ce projet de son petit nom Zach Zero. Il a donc monté Mineral Reflectance et il y a plein de guests vocaux sur cet album. On retrouve bien sûr Arnaud Strobel, l'inénarrable Arnaud Strobel. On retrouve également l'ancien vocaliste de Neisseria et une vocaliste qui apparaît sur les albums de Impureza. Enfin voilà, pour brosser le tableau, puis on a également un Belge qui est dans plein de projets. Ça va de Dunkelnart à Deviant Meschia, en passant par Cult of Erinis, Deha, etc. Enfin, plein de formations belges. Voilà donc pour présenter Mineral Reflectance. Musicalement, à quoi s'attendre? C'est assez inqualifiable dans le sens où la base est black metal, mais c'est extrêmement enrichi de plein d'autres éléments. Et voilà, donc au niveau du concept textuel, on est sur de la lithothérapie, c'est pour ça que j'espère qu'on aura un focus sur le sujet. Ça me semble très intéressant d'en parler. Et voilà, les guests vocaux sur chacun des titres ont choisi un caillou et racontent une histoire qui leur est propre autour de ce caillou. Donc voilà, le titre que l'on va s'écouter ce soir, c'est le morceau Obsidian, donc bien sûr la pierre d'obsidien, et l'album Des chemins de vie, Inherit the Void, puis Mineral Reflectance. À noter que cet album est sorti en autoprod. We'll be right back. perception and be a world swim. Tell us a speak. Continue, 22h30 à la pendule de Radio Béton. On va donc attaquer la dernière demi-heure de l'émission d'aujourd'hui et on réattaque la diff internationale avec tout d'abord Maul. Ça nous vient du Canada, de Vancouver plus exactement. C'est du Heavy Revival. Alors, on n'est pas sur le même Heavy Revival que Fortress tout à l'heure. On est un petit cran en dessous quand même, même si ça fait bien le job. Maul, la pochette est magnifique. Par contre, une pochette extrêmement riche, chargée de plein de choses. Tout en ayant un petit fond très très kitsch avec ce pentacle en flamme, si on résume très froidement. Mais voilà, beaucoup de choses. Puis l'esthétique globale est vraiment chouette. Une sortie Gates of Hell Records, ça c'est clairement ce qui nous a attiré l'attention, ce que ce label nous régale systématiquement. Une sortie prévue pour le 14 janvier. Et en doublette avec Maul Nocturnal Graves, là on est sur du trash black end avec un petit peu de death dedans. C'est sombre, c'est occulte. An Outlaw Stand, c'est le nom de leur quatrième effort studio. Nocturnal Graves, l'album est déjà dispo sur le label français Season of Mist. Evil Eye, le titre de Maul, l'album d'ailleurs, c'est un album éponyme, il s'appelle Maul également. Nocturnal Graves, le morceau Command for Conflict, c'est parti. Rise! Nocturnal Graves, histoire de finir avec du kitsch, et j'ai oublié de préciser que Nocturnal Graves, il y a du Ex-Destroyer 66 dedans. On va attaquer les 20 dernières minutes de l'émission de ce soir. On l'a annoncé tout à l'heure, voilà, on va se faire deux annonces de concerts pour les semaines et mois à venir. On y croit très très fort. On commence par le samedi 12 février, la release party du troisième album studio de Beyond the Sticks, le groupe de hardcore au sens large de Tours. Voilà, release party pour leur album Sentence. Il y a déjà deux titres de disponibles. Je vous invite vraiment à les écouter. J'ai toujours été très très très critique et très constructif envers Beyond. Et là, pour le coup, bah, les deux titres déjà proposés m'ont vraiment séduit. Et avec eux à l'affiche, on retrouvera Alma, le groupe de old school hardcore de Tours, et Final Showdown, le groupe de Deathcore. Donc le samedi 12 février, au Bateau Ivre. Inch'Allah, la soirée pourra avoir lieu. Et puis c'est 6 à 9 euros. l'a pris de la place. Pansy l'a mis. Tu reprends le micro pour annoncer une autre date, dans un autre style, dans un autre endroit, dans une autre regard. Ouais, ouais, bah, grand écart jusqu'au mois d'avril, on y croit également. Le 6 avril, le mercredi 6 avril, on aura le groupe Dolch qui viendra jouer au Red Club. C'est une soirée organisée par Catharsis. Et bah, Dolch, ceux qui ne connaissent pas, c'est du Black and Doom, drone, dark ambiante, enfin, il y a tout ce qu'il faut. À capuche qui sent l'aftershave. Voilà, tout ce qu'il faut pour passer une bonne soirée à mi-chemin entre la déprime et la musique de hipster, donc ça va être génial. Moi j'ai vraiment vraiment hâte, c'est un groupe qui est excellent. Clairement, pour ceux qui sont un peu réceptifs au style, c'est à voir. Donc venez, ça va être cool. Mais je crois pas qu'il y ait de première partie pour l'instant. Pour l'instant, il n'y a rien d'autre d'annoncé. Puis bon, ça aura lieu au Red Club. La dernière soirée organisée là-bas par Catharsis, bah, c'était... Eh bah putain, ça fera 2 ans. Bah, c'était une semaine avant le confinement, le voilà, premier. Avec Misere Luminis et... Déléter. Voilà, c'était une très chic soirée et ma foi, le lieu s'y prête très très bien pour ce type de concert. Donc on espère pouvoir se rendre également à cette soirée. On enchaîne avec du coup bah, les 3 derniers groupes pour ce soir. Donc la dernière doublette, tout d'abord Ereb Altor, le groupe de Viking Folk teinté de Black qui nous vient de Suède. Ils sortent là, ouh, grosse discographie, c'est le 10e, 9e album studio pour Ereb Altor. Varkingman, ouais, au niveau des inspirations, on est même sur l'époque un peu Viking, Heavy Viking de Bathory. Voilà pour Ereb Altor. Vartingman, l'album est déjà prévu, pardon, est prévu pour le 14 janvier chez MRR Tricord. On va s'écouter le titre de l'album, Ereb Altor, Vartingman. Et en doublette, Mental Devastation. Là, on va de l'autre côté de l'océan Atlantique. La formation nous vient du Chili. On est sur du trash qui frise avec le trash tech old school type Coroner. Forbidden et autres violence. Voilà pour Mental Devastation, The Delusional Mystery of the Self Part 1, vivement la part 2. Effectivement, l'artwork est très très trash 90. Ouais, j'y vois du Forbidden en fait dedans. Voilà pour Mental Devastation, ça nous vient du Chili et on s'écoutera le titre Labyrinth, c'est déjà dispo, c'est parti. On enchaîne et on clôture l'émission de ce soir. Pour rappel, on s'est offert le plaisir d'une petite émission en direct dans les studios de Radio Béton. Pour rappel, les deux prochaines émissions seront en différé. Pour rappel, le principe d'une émission différée, on enregistre tout le contenu de l'émission un peu plus tôt dans la semaine et c'est mis ensuite sur les bandes de Radio Béton. Quoi qu'il en soit, c'est du contenu inédit. C'est des trucs qu'on vous a jamais diffusés. C'est des présentations uniques et toujours aussi, comment dire... envoûtante. Et par contre, on se retrouvera le dimanche 30 janvier pour une autre émission en direct des studios de Radio Béton. On aura le temps d'en reparler d'ici là sur les réseaux. Et on est en train de vous préparer 2-3 trucs pour le premier trimestre, des émissions un peu spéciales. Et on travaille même sur la mise en place d'un support de com et d'une page Instagram 2022. Et ouais, nous y sommes. C'était Bing, sinon pour clôturer l'émission de ce soir, groupe de Texas Brutal Death. Et oui, tout comme la scène Swedish Death, la scène du Texas a sa propre appellation. Ravenous Psychotic Onslaught, le nom de ce nouvel EP de Stebbing, une sortie Comatose Music. À noter que c'est une vocaliste, Excrement Sarcophagus. Sur ce, on se quitte et à dimanche prochain. Ciao, ciao.